Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quels sont fantastiques! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie! Hakuna Matata, Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quels enfants fantastiques! Ces mots signifient que tu vivras ta vie. Ouais, chance petit, sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Hakuna Matata.